rentrer par le soleil d'été, un peu décoiffé par le vent salé. Sur la plage en palmier, elle ne fait que rêver. Le cœur teenager, elle vit en couleur. Dans le jardin de l'Éden, la plus jolie des sirènes. À l'horizon, les bateaux, sur sa peau, le sable chaud. Barbie princesse des îles, tout là-bas, elle vit tranquille. Mer de corail dans les yeux, comme un ciel tout bleu. Cheveux décolorés par le soleil d'été, un peu décoiffé par le vent salé. Sur la plage au palmier, elle ne fait que rêver. Le cœur teenager, elle vit en couleur. Autour d'elle, ses amis nagent dans les vagues aussi. Passent leur temps à s'amuser, bronzés sous les cocotiers. Barbie princesse des îles, comme tout semble si facile. Là, au fil de ses pensées, elle se laisse bercer. Barbie princesse des îles, comme tout semble si facile. Là, au fil de ses pensées, elle se laisse bercer. Cheveux décolorés par le soleil d'été, un peu décoiffé par le vent salé. Sur la plage en palmier, elle ne fait que rêver. Le cœur teenager, elle vit en couleur. Cheveux décolorés par le soleil d'été, un peu décoiffé par le vent salé. Sur la plage au palmier, elle ne fait que rêver. Le cœur teenager, elle vit en couleur. Cheveux décolorés par le soleil d'été, un peu décoiffé par le vent salé. Sur la plage au palmier, elle ne fait que rêver. Le cœur teenager, elle vit en couleur. Par le soleil d'été, un peu décoiffé, par le vent salé, sur la plage au palmier.